Sortie culturelle. Les Bouquins d'abord vous présentent Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. Bienvenue à la sortie culturelle au Salon du Livre avec vos animatrices Perle Rank et Julie Collin. Bonjour. Aujourd'hui, gros programme encore une fois. On reçoit André Jacques pour Les femmes aux yeux cernés, Daniel Goyette pour Sa main sur ma nuque, François Lévesque pour Neige rouge. René Bolduc va s'entretenir avec Alexandre Soublière pour La maison mère. Il y a Jean-Guy Forget pour After, Fanny Desmeules pour Roux clair naturel et Chloé Zollmann va s'entretenir avec Martine Delvaux pour Thelma et Louise et moi. Restez à l'écoute. On va faire une petite pause musicale et on vous revient vraiment tout de suite avec André Jacques qui est allé déjà avec nous. Sortie culturelle au Salon du Livre de Québec avec Perle Rank. Je suis en compagnie d'André Jacques. Bonjour André, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Perle. Bonjour, j'avais hâte de te parler de ces confessions aux yeux des femmes aux yeux cernés. En tout cas, Alexandre Jobin, lui, il vit toutes sortes d'affaires. Hein? Et on dirait que c'est peinard d'avoir... Il est toujours plongé dans des choses. Ce n'est pas du polar traditionnel, non. Avec un crime qui se produit au coin de la rue, l'équipe qui vient faire son enquête, etc. Là, on a plutôt un personnage... Qui attire le trouble. Oui, oui. Une espèce de paratonnerre quelconque qui attire les problèmes. Cette fois-ci, c'est une question d'œuvre d'art, encore une fois. Et, bon, il a vendu une toile à un cahier de la mafia russe, toile qui s'avère un faux. Or, les Russes de la mafia n'ont pas un sens de l'humour. Ils n'apprécient pas, hein? N'apprécient pas. Et dans les. Mais moments... il faut dire que Alexandre Jobin, il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il a vendu un faux. Il n'aurait jamais fait ça. Non, non, c'est un collègue qui lui a fourni cette toile et qui lui-même en a vendu une autre. Or, quand le collègue en question se fait assassiner et que, brusquement, on lance un cocktail Molotov dans la vitrine de la boutique d'Alexandre, ben là, il y a vraiment... Il faut qu'il grouille, il faut qu'il sorte de ce pétrin-là. Et la façon de s'en sortir, pour lui, du moins c'est ce qu'on pense, c'est de retrouver une vraie toile du peintre en question. Mais le peintre en question est disparu depuis une belle lurette. Il fait 10 ans qu'on n'a pas de nouvelles. Il ne peint plus, il n'expose plus, mais... Il est encore vivant et c'est un peintre catalan de Barcelone. Ouais. Donc, il va tenter de retrouver ce peintre pour réussir à acquérir une vraie toile. Tu touches à plusieurs sujets. Effectivement, les crimes dans le monde de l'art visuel, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le polar. Et je me dis, il doit en avoir dans la vraie vie. Hein? Toi, tu t'es... T'es allé chercher cette inspiration ou de t'intéresser à ça? Bien, j'avais rencontré à une époque un sergent de la Sûreté du Québec qui était vraiment, vraiment spécialisé, la coursière, mm-hmm. je pense, qui était spécialisé justement dans les crimes impliquant des œuvres d'art. Et c'est lui qui m'avait conté d'ailleurs l'histoire du Riopel qu'on trouve dans le roman. Une sculpture, un bronze de Riopel, que la police, ils font une descente, ils ramassent tout ce qui a de la valeur, et pour tenir la porte ouverte, ben, ils mettent cette sculpture qu'ils ne connaissent pas, ça a l'air d'un morceau de métal, alors ils prennent ça pour tenir la porte. Et, alors ça m'avait... Mais j'ai toujours été intrigué par le monde de l'art, puis je trouve que le monde de l'art, effectivement, peut être un bon déclencheur d'intrigues policières, parce qu'il y a, bon, il y a la valeur des hommes, mais il y a souvent aussi le sens caché, qu'est-ce qui se cache derrière l'œuvre et tout ça. Bien, il y a aussi qu'on n'est pas nécessairement au courant d'une valeur. Parce que oui, il y a la valeur, mais on n'en sait pas vraiment quelque chose. Là. Il peut y avoir des choses qui peuvent avoir l'air d'avoir de la valeur et ce n'est pas le cas. Et d'autres qui peuvent traîner dans la poussière chez un antiquaire et qui ont... Et c'est un peu ce qui m'avait fait choisir un personnage d'antiquaire, cette... dès le départ, tu avais déjà en tête que ça pourrait être riche en rebondissements. Oui, ben, c'est une curiosité. Hein. Je me promenais sur le boulevard Saint-Laurent, à peu près à l'endroit où je situe la boutique d'Alexandre. Et avec ma blonde, on est rentré dans une petite boutique de brocante. Et puis en sortant, j'ai dit, oh merde, ça ferait un super sujet de polar. Parce qu'une boutique d'antiquaire, il y a des choses qui sont cachées. Il y a peut-être des choses qui ont une valeur extraordinaire. Puis ensuite, j'ai réfléchi, j'ai dit, bof, un antiquaire, comment on perçoit ça, tu sais, un peu poussiéreux et tout ça. Alors, je lui ai donné un passé, celui de, d'avoir été 25 ans dans les services de renseignement de l'armée canadienne. À ce moment-là, ben, il y avait une expertise dans les armes, dans le combat, etc. Ça et dans l'enquête aussi. Dans l'enquête. Et ça rendait le personnage plus crédible. Absolument. Écoute, tu touches évidemment aussi, parce que là, Alexandre Jobin, il va falloir qu'il aille à Barcelone et il va se promener. Bon, il y a la question catalane, mais il y a aussi sa rencontre avec les femmes qui revient dans tous tes livres. Il y a un rapport vraiment... un peu trouble, hein, avec les femmes. C'est jamais facile dans c'est son cas. C'est jamais facile dans son cas. Dans les premiers romans, c'était une sorte de James Bond, sérieux. Le tombeur de ses dames. Le tombeur de ses dames. Là, au cours des ans, il vieillit un peu. Il est plus, et ses histoires d'amour sont toujours assez complexes. Et ça explique un peu... Et les femmes... J'ai réalisé à un moment donné que les femmes qui sont dans mes romans sont souvent les femmes blessées, les femmes meurtries. C'est le cas dans ce roman-là. Il y a Irina, la petite prostituée qu'on retrouve dans les caves du Cahier de Russe. Il y a Isolda, qui est une jeune femme avec le peintre. Il y a Isabelle, la gérante ou l'assistante d'Alexandre, donc, et qui tout à coup reçoit le cocktail Molotov, et même les autres personnages, comme Pavie. Pavie est blessé. Est blessé profondément. Oui. C'est un personnage, bon, c'est un personnage très trouble, c'est une tueuse. Mais très intéressant. Oui, je voulais en faire un personnage. J'aimerais la retrouver plus au centre d'une intrigue. Oui. Je passe mes commandes. D'accord. Ben, dans le précédent, elle était vraiment au centre. Oui. J'aime ça quand tu fais ça. Dans ce roman-ci, elle est plus en arrière-plan, quoique elle a un rôle et active. Mais elle reste toujours nos personnages. On a un coffre de personnages qui reste à notre disposition. Ça ne me surprendrait pas non plus qu'elle réapparaisse. T'as un personnage quand même qui a un trait très classique. Il est alcoolique. Oui. Fonctionnel, mais bien alcoolique. Hein? Oui. Qu'on se le dise, là. Oui, lui, quand il ne boit pas, il n'est pas fonctionnel. Non, il n'est pas fonctionnel s'il ne boit pas. Bon, je sais que ça fait partie depuis l'époque du roman noir et depuis Dashiell Hammett de la, on peut dire, du paysage et du portrait type de l'enquêteur, mais jamais lui donner cette caractéristique-là parce que ça lui donne aussi une faiblesse. Je voulais pas en faire une espèce de personnage surhumain, sans en faire non plus un anti-héros complètement avachi, là. Mais c'était un des facteurs, l'alcool, puis aussi son passé qui le hante, les années terribles qu'il a passées, notamment en Bosnie et tout ça, qui lui donne une profondeur, qu'on ne trouvait pas nécessairement dans les premiers romans de la série, mais ce n'est pas une série, ce livre. Il se lit quand même individuellement. Oui, mais... Il y avait ça, je voulais lui donner un peu de viande. De coffre, de coffre avec ses caractéristiques. André-Jacques, on peut te rencontrer au salon. Tu es encore ici aujourd'hui? Je suis ici en début d'après-midi seulement. Je pars ensuite. C'est hélas. C'était une petite saucette. Ça fait ouais, qu'on... quelques jours. Ça fait que tu es chez Druide? Oui, oui. Et de quelle heure à quelle heure que tu vas signer aujourd'hui? Aujourd'hui, je signe de midi en ce moment à une heure et quart. Ça fait qu'on va te laisser courir. Un grand merci, André-Jacques. Ben, je te remercie beaucoup, Barbelle. Vous êtes toujours à l'écoute de la sortie culturelle au Salon du Livre avec Barbe Rank et je suis en compagnie de Daniel Goyette. Bonjour Daniel. Bonjour Barbe. Bienvenue à l'émission. Ça faisait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas parlé, toi et moi. Oui. Et tu viens pour le livre Sa main sur ma nuque, qui est un roman d'amour et ça doit faire depuis Caramel Mou que j'en ai pas lu. Pour te dire. Ah oui. Ah oui. Oh, ah oui, wow. C'est vraiment pas mon genre. Ah, oh, je suis contente. C'est toi qui les écris, c'est pour ça que je les lis. Oh. C'est, non, c'est pas mon genre. Là, je te dis tout de suite, j'ai une de mes filles qui a bien hâte que je règle ça, cette entrevue, pour qu'elle puisse le récupérer. C'est trop. Écoute, dans ton histoire, ce que tu racontes, c'est Sarah Benoît, qui est québécoise, journaliste de voyage, qui va rencontrer Jordan Manuka, qui est de la Nouvelle-Zélande. Et c'est un coup de foudre immédiat. Ouais, ouais. Ça fait que déjà, tu sors d'un cliché de roman d'amour où il y a beaucoup, beaucoup d'embûches avant qu'ils se tombent dans les bras. Ah, c'est bon, ça. Ça fait que toi, ils se tombent dans les bras et après l'histoire des morts. Ben, ça, j'ai beaucoup aimé ça. Moi j'avais le goût d'écrire une histoire d'amour romantique à l'os. Mm-hmm. Je pense, écoute... Ah, c'est très réussi. Ça fait 29 ans que je suis avec mon chum, puis on est encore en amour, perdu sa tête. Fait que moi, pour moi, c'est possible. Il y a des gens qui... J'ai des acteurs qui ont dit, ça n'a pas d'allure, son histoire d'amour, c'est pas vrai. Oui, c'est possible, une histoire d'amour, c'est très, très possible. Et j'avais le goût d'offrir ça au lecteur, puis comme j'avais voyagé beaucoup, parce que tout ce que je raconte comme voyage, comme péripétie de voyage, je les ai tous vécues. J'ai tout vécu ça. C'est l'histoire d'amour que j'ai pas vécue. Elle est fictive. Mais j'avais le goût de greffer ça. En as-tu vu? Moi, je me suis posé la question. Je savais que tu as été journaliste dans tourisme aussi. Ça fait que là, je me suis dit, du coup, qu'elle a déjà vu ça parce que tu dois avoir rencontré des gens à répétition dans ouais, des places. Pas d'histoire d'amour. Non, parce que les journalistes, quand même, ça a l'air beau de l'extérieur, mais le métier de journaliste en tourisme est très exigeant puis très demandant. On visite, on n'arrête pas. Là. Ouais. Alors, non, pas vraiment. Mais, à vrai dire, c'est une scène réelle que j'ai vécue qui se passe dans le livre où on se retrouve à un moment donné un soir au Venezuela devant la grande sabana qui est remplie de lucioles. Et je suis passée, c'est vraiment arrivé cette scène-là, pas la scène d'amour, mais qui m'a inspirée, mais je suis passée devant cette scène-là et j'ai dit à mon amie Suzy, Suzy, c'est une scène de roman, là. Il faut que j'écrive une scène de roman qui se passe ici. Alors, la belle scène de roman... Tu la portes depuis ce temps-là? Ça fait combien d'années que 2004. Longue gestation? 2004. Ça m'a pris 10 ans à écrire ce roman-là. Je l'ai écrit par bribes, je l'ai mis de côté, je l'ai retravaillé. C'est le plus gros projet d'écriture de ma vie. Je l'ai peaufiné vraiment beaucoup. Les destinations, je voulais que ça soit senti. Je voulais que les gens voyagent avec moi. L'histoire d'amour, je voulais pas que ce soit un roman arlequin. Je voulais qu'il y ait de l'émotion. Je voulais que je parle du présent, que je parle de ce qu'on ressent quand on est amoureux. ce qu'on ressent quand on perd quelqu'un, parce qu'à un moment donné, elle perd sa mère. Alors, je voulais intégrer beaucoup d'émotions dans ce roman-là. J'ai fait de mon mieux. J'ai vraiment mis tout mon mieux dedans. Moi, je trouvais ça très réussi. Tu sais, j'ai jamais eu le goût de le lancer au bout de mes bras, parce que moi, les romans d'amour, ça me fait quand même un petit peu cet effet-là, parce que souvent, je trouve que ça se peut pas. Moi aussi, je sais que les coups de foudre, ça se peut, et aussi des coups de foudre qui durent. Tu as quand même mis des embûches. Tu retournes un peu dans le cliché, et un des embûches pour cette relation-là, parce que c'était quand même que tous les deux sont journalistes. Comment tu fais pour te retrouver? Ouais. Mais d'un autre côté, c'est très actuel, ça. J'ai une amie qui est journaliste en tourisme qui, elle, a continué. Moi, j'ai cessé. J'ai arrêté après 14 ans parce que c'était quand même un métier très difficile, vu de l'intérieur. Ouais. Puis, j'ai une amie qui est journaliste en tourisme qui le pratique depuis longtemps. Et elle a eu une histoire comme ça où elle rencontrait un journaliste et se voyait dans des voyages de presse. Alors, c'est possible. Pour les personnes qui voyagent beaucoup, c'est peut-être même une façon de se retrouver. Moi, je trouvais le côté exotique quand même intéressant parce qu'ils vivaient leur histoire d'amour ailleurs que chez eux. Puis pour une raison qu'on découvre dans le livre aussi, Jordan ne veut pas vivre avec Sarah, ne veut pas qu'elle vienne vivre chez lui, puis il ne veut pas vivre chez elle pour une raison qui est très bien expliquée dans le livre. Alors pour moi, il y avait ce petit côté un peu mystérieux dans cette histoire d'amour-là qui était important, mais ça faisait aussi qu'ils se retrouvaient seulement dans les destinations, donc ils avaient hâte de se retrouver. Ça fait des belles scènes d'amour, ça, écrire. Ah oui, absolument. En tout cas, le décor est toujours somptueux. Ah, merci. Hein? C'est amusant parce que tu m'as dit, quand tu m'as écrit à propos du livre, quand tu m'as donné envoyé un petit mot, tu m'as écrit, tu m'as fait pleurer. Oui, oui. Et ce qui m'amuse, c'est que tu n'es pas la première qui me dit ça. J'ai beaucoup de lectrices qui m'ont dit ça. Et quand vous me dites ça, ça me fait plaisir. Fait que je me dis, tu dois avoir un petit côté masochiste. Mais non, mais c'est, il me semble que c'est inhérent à ce genre de livre que l'émotion nous prend vraiment à ce point-là. Et ça, c'est dans le fond... j'étais très consciente que je te faisais un compliment avec ça. Oui, tout à parce fait. Que, mais c'est réussi. Moi, je veux dire, j'ai réussi mon pari. Si je réussis à faire que les gens s'attachent assez aux deux personnages, puis que lorsqu'il se passe quelque chose dont on ne parlera pas, que ça arrive et que les gens se mettent à pleurer ou qu'ils sont touchés par certaines scènes, je me dis, bien, j'ai réussi mon pari, j'ai trouvé les mots pour soulever assez d'émotions chez les gens. Exact. Évidemment, il y a toute une réflexion aussi autour de la sédentarité là-dedans. En tout cas, je trouvais que c'est un aspect assez intéressant parce que, évidemment, les personnages se questionnent aussi. Est-ce que pour toi, ça a été quelque chose qu'on t'a, par exemple, arrêté? Ben, j'imagine un questionnement quand tu as commencé à travailler comme journaliste en tourisme. Mais quand tu as arrêté, est-ce que ça a été un deuil de non, devenir... c'est l'inverse. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. Hein? Parce que il y a une année, entre autres, j'ai fait neuf voyages internationaux et au moins une dizaine de voyages régionaux. Je n'étais jamais à la maison. J'arrivais à la maison, je lavais mon linge, je refaisais ma valise, je repartais. J'avais une chambre extraordinaire à la maison qui était d'une patience. Mais et j'étais. Tu ne voyais pas. C'est ça. Puis il y a une année, je peux te dire, entre autres, là, que j'ai vécu sur le décalage horaire presque toute l'année. Parce que tu reviens, c'est sur le décalage, tu repars. Et physiquement, c'est très, très dur. Alors moi, c'est l'inverse. Ce livre-là, oui, parle de sédentarité, mais je veux dire, moi, à un moment donné, c'était comme, oh, j'ai hâte d'être vraiment dans mes pénates puis de dormir dans mon lit une semaine, deux semaines, trois semaines de fil avec mon chum. Là, moi, c'est l'inverse. Manger un bon spaghetti, là, quand c'est bon. Comme journaliste, j'étais reçu dans les plus beaux restaurants. En Malaisie, j'ai dormi dans un hôtel où les robinets étaient en or. C'était fou. Là. Ouais. On était reçus avec des banquets et tout ça. Mais tu reviens à la maison, tu te fais un bon spaghetti maison. Il est tellement bon. Tu sais, avec tes pantoufles. Ouais. C'est ça, c'est un métier extraordinaire. J'ai vu des choses et j'ai vécu des choses extraordinaires. Je ne renie pas ça. Mais d'un autre côté, dans ce livre-là, j'explique aussi ce qui est le côté un peu plus difficile de ce métier-là. Tu es toute la journée aujourd'hui ici au salon, pas mal, hein? Je retourne à signer de 15h à 16h. C'est demain que je suis pas mal là. Demain, je suis là à partir de 10h jusqu'à 15h. Ça fait que... Est-ce que tu as le numéro de stand? 149. Chez Prologue. Chez Prologue. Merci, Danielle Goyette. Merci, Barbel. C'était très gentil de passer. Bien, c'est toi. Je te remercie pour l'invitation. Bonne journée. Merci. Bye, bye. I found you at the window again, looking out, watching the leaves falling in. Then you were something like a dream. Oh, so perfect. Couldn't talk to me. The time moves slow when you're all alone. And the time moves slow when you're out on your own. And the time moves slow when you're missing a friend. And the time Sortie culturelle au Salon du Livre. Vous êtes avec Barbe Rink. Je suis en compagnie de François Lévesque. Bonjour, François. Allô. Tu es journaliste et écrivain. Ton dernier polar, Neige Rouge, tu reprends un personnage qu'on connaît déjà, Vincent Parent, et son ami, Dominique Chartier. Et Vincent Parent va se trouver dans la situation de poursuivre une femme et sa fille, son adolescente, et son partenaire va tirer la mère. Et il va menacer Vincent Parent. Et bon, ça enchaîne comme ça. Tout ça, ça joue en Abitibi. La police véreuse. En tout cas, ça sonnait bien des cloches dans l'actualité, hein? Oui, ça fait écho à mon outrage aussi, à la lecture de certains. OK, toi, t'as démarré comme ça, t'as lu les articles et t'as dit, oh, ça ben, c'est... Il y a des enjeux de société qui nous interpellent souvent, ouais. qui nous émeuvent. Dans ce cas-ci, ben, à titre d'exemple, le sort réservé à l'affaire des disparitions et des meurtres de femmes autochtones m'a interpellé. Je viens d'Abitibi, je viens d'une petite ville où la population autochtone est très nombreuse. J'ai grandi avec la conscience d'une distinction qui était faite, des mécanismes d'ostracisme qui étaient à l'œuvre. Et puis, ben oui, ça m'a interpellé quand c'est revenu dans l'actualité. J'ai voulu l'intégrer à une histoire, mais pas de façon didactique, pas de façon pamphlétaire ou moralisatrice, juste raconter une bonne histoire policière qui aurait ces enjeux-là en leur sein. Tes personnages, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas ton premier roman qui joue en Abitibi, mais c'est comme, c'était la première fois que je te voyais vraiment aller dans les réserves, parce qu'il était là avant, hein, c'était, et aussi d'aller voir qu'est-ce qui se passe côté police. Parce que ça aussi, avant, j'avais l'impression que la police était toujours les bons et c'était pas si noir et blanc que ça, mais là, c'est quand même plus marqué, le noir et blanc. Entre. Ben, j'aimais l'idée de, avec le temps détective Parent, qui est un bon flic, un bon policier, là, qui veut faire ce qui convient, qui soit, lui, confronté à la réalité que ben, son partenaire, son ami, quelqu'un qu'il croyait connaître, en qui il avait confiance, était corrompu. Puis là, il tente de comprendre, évidemment, là, qu'est-ce qui se cache là-dessous. Il tente de comprendre comment il a pu côtoyer ce gars-là pendant des années et pas voir qu'il y avait cette corruption-là. Donc, il y a comme une espèce de prise de conscience. Puis en même temps, ben, ça nuance aussi le trait. J'avais absolument pas l'intention de faire le procès des forces policières. Au contraire, non. J'ai eu beaucoup d'aide d'amis policiers dans la rédaction de ce roman-là, notamment pour des scènes de crime, des aspects, ouais. Des aspects de criminalistique. Donc, ouais, l'aspect nuance est toujours super important pour moi. J'aime pas quand c'est manichéen. Ce que moi, j'ai aimé, c'est Vincent Parent, il n'enquête pas vraiment. Il enquête pas. Il est pas supposé. Il y a des entourloupes quand même, mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant de le mettre un peu hors de jeu. Et il faut qu'il regarde aussi les autres affaires, parce que là, il vit d'autres choses encore. Ça s'ajoute au trouble de se faire attaquer par son partenaire. Oui, ben, comme il est, justement, il est... lui-même le témoin principal de l'enquête en cours. Il ne peut pas être mêlé à l'enquête, mais bon, il a une tête de cochon, alors il enquête officieusement. Et son ami Dominique Chartier, qu'on a rencontré dans une maison de fumée, vient lui prêter main forte tout aussi officieusement. Mais ce que j'aimais aussi comme opportunité avec ce roman-là, une maison de fumée où on rencontre les deux personnages pour la première fois, était racontée du point de vue de Dominique Chartier. Ouais. Et cette fois-ci, l'histoire, elle est racontée du point de vue de Vincent Parent. Donc, j'inverse. Là, ouais. Celui qui était protagoniste devient personnage secondaire et vice-versa. Je voulais qu'on apprenne à connaître davantage Vincent Parent. Et ce roman-là était d'abord aussi l'occasion de pour moi, comme auteur, d'étoffer, de développer ce personnage-là, d'aller voir, comme je l'ai fait pour Chartier dans les précédents romans, de voir d'où il vient, qu'est-ce qui l'anime, quels sont ses secrets, quelles sont ses failles. Et puis là, ben, en ayant deux personnages ainsi, comment dire, étoffés et connus, ben, j'aurai tout loisir de les ramener pour de plus amples aventures. Ouais. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé déjà dans le précédent, dès l'apparition de Vincent Parent, on sait qu'il est homosexuel, mm-hmm. et que tu sors vraiment du cliché de l'homosexuel. Moi, ça, là, il est dans un polar, c'est lui l'enquêteur, c'est le gars qui va à la chasse, tu défais tous ces clichés-là. Ça, c'est juste une remarque que je t'ai faite. Avec ça, tu me fais beaucoup, beaucoup plaisir. Je ne suis plus capable de ces clichés-là. Ben, je me suis gâté, là encore. Comme homme homosexuel, j'ai lu énormément de littérature, j'ai lu énormément de films avec des protagonistes gays. Souvent, quand c'était par ailleurs conçu, peut-être par des gens hétéros, il y avait toujours cette notion de l'homosexualité qui est douloureuse, un personnage qui a du mal à vivre ça, crise existentielle, c'est donc pas facile, puis bon... Le côté efféminé qui n'est pas du tout obligé... C'est pas obligé, ça arrive, mais c'est pas obligé. Ah, oui. Puis à un moment donné, c'est ça. Moi, j'ai voulu mon personnage qui soit hors cliché, mais en même temps qui soit tout à fait plausible. Là, ce personnage-là n'est pas juste une réaction à des clichés. J'ai essayé de le faire le plus réaliste possible. Il est. Mais, merci. Mais, il y avait tout ça. C'est l'enjeu de son homosexualité n'est pas un enjeu primordial du roman. C'est là, c'est présent, mais c'est pas pour lui douloureux. C'est pas un mal qu'il a à surmonter. Ça n'empêche pas l'amitié avec un hétéro. Absolument pas. Ça aussi, je trouve ça vraiment depuis la première rencontre avec lui, je trouve ça formidable. Parce que c'est ça la vraie vie. Ce que je me suis amusé aussi à inverser certains clichés dans la mesure où c'est Chartier qui est un hétéro coureur, séducteur, tout ça. C'est lui qui a de la difficulté avec son hétérosexualité. Oui. C'est lui qui a de la difficulté avec sa sexualité. C'est pas parent. Oui, non, c'est vraiment très, très fort. Écoute, t'es toute la journée aujourd'hui ici, demain encore? J'ai une autre séance de 2h à 3h chez Alire, et puis je vais me promener aussi chez mon autre éditeur, somme toute, une partie de la journée. Je vais être là demain aussi, une bonne partie de la journée au salon. Merci François Lévesque d'être passé chez nous. Merci d'avoir reçu. Sortie culturelle. Vous êtes membre de la Caisse Desjardins de Limoilou? Votre caisse vous invite à un grand rassemblement familial dans le cadre de son Assemblée générale annuelle, dimanche le 14 avril à 10h, au Cégep Limoilou, campus de Québec. Un événement intergénérationnel qui saura plaire à tous ses membres. Zone d'animation pour les 18 mois et plus, dîner d'échange, de nombreux prix de participation et la présence du célèbre pirate Jack Sparrow. Inscrivez-vous en ligne à l'adresse aga-2019.eventbrite.ca. Pneu Bazar et CKRL vous offrent la possibilité de gagner un certificat cadeau de 400$ au meilleur centre de pneus à Limoilou. Du 15 au 25 avril, écoutez les matins éphémères entre 6h30 et 9h et un finaliste par jour sera sélectionné parmi les appels reçus. Le grand tirage aura lieu le 26 avril. Pneu Bazar, 70 3e avenue à Limoilou, 418-522-1130. Prenez rendez-vous en ligne sur pneubazar.com. Chez Pneu Bazar, on prend soin de vous. En avril, voyez au cinéma Le Clap de Sainte-Foy et Loretteville, Shazam dès le 4 avril, Mia et le Lion Blanc dès le 12, Tanguy le Retour le 19 avril, Avengers Phase Finale dès le 26 avril. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Du 6 au 14 avril prochain, vivez l'expérience du 32e Festival Québec BD. Présenté sous le thème « De la création à la rencontre », le Festival Québec BD vous offre une multitude d'expositions, de spectacles et d'activités aux quatre coins de la ville. C'est un rendez-vous avec le 9e art. Connaissez-vous le magazine Continuité? C'est une revue qui s'intéresse aux traces du passé, qu'il s'agisse de bâtiments, d'objets ou de documents. Ces témoins se trouvent au cœur d'histoires passionnantes que le magazine raconte avec enthousiasme. Continuité traite aussi des paysages et de l'aménagement du territoire, des traditions et des savoir-faire ancestraux. Mais ce n'est pas tout. En plus de faire découvrir ce riche héritage, le magazine aborde les enjeux d'actualité qui le touchent. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le patrimoine québécois, le magazine Continuité est pour vous. Vous aimez les romans historiques, alors que vos amis préfèrent la science-fiction et d'autres ne jurent que par les essais et la littérature québécoise? Venez rencontrer vos auteurs préférés. Sous la présidence d'honneur de Yasmina Kadra, ils sont plus de 1200 et vous invitent au Centre des congrès de Québec. Le Salon international du livre de Québec, du 10 au 14 avril. Sortie culturelle. Les Bouquins d'abord vous présentent Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. Culturelle au Salon international du livre de Québec se poursuit. Je cède le micro à René Bolduc, oui. Qui va faire une entrevue avec Alexandre Soublière. Oui, merci Julie. Alors, je suis bien content de rencontrer Alexandre Soublière. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es l'auteur de deux romans, Charlotte Before Christ, paru en 2012, Amanita Virosa, 2015. Et là, tu as fait paraître l'automne dernier, La Maison Mère. Toute une bibitte, ce livre-là. J'avoue, j'étais aussi dans des bonnes dispositions. Je vais parler beaucoup, là, l'auteur. Non, ça va. Toujours intervenir. J'ai eu comme une sorte d'amour-haine en lisant ton bouquin. C'était ça le but. C'est ça le but. Ouais. Parce que moi, là, je suis de la génération Paul Piché-esque. Oui, oui. Peut-être qu'on va comprendre tout à l'heure. Donc, j'ai grandi la vieille génération, Beau Dommage, Harmonium, même cette génération-là qui refusait de parler anglais. Ouais. Et là, toi, tu arrives, puis la nouvelle génération, jeune trentenaire, tu as vécu à Vancouver, tu ne vis plus à Vancouver. Non. Non, j'ai resté là 3 ans à peu près, puis je suis revenu l'année passée. Oui. Mm. Mais ça t'a donné quand même une distance pour réfléchir aux faits francophones, aux faits québécois, aux faits canadiens-français. Et tu proposes même, dans ton essai qui est mais vraiment extraordinaire, là. Écoute, c'est un essai sur le Québec, le Canada français, l'américanité, sur fond d'autofiction amoureuse, puis ça finit dans une ambiance qui me rappelle le film La Purge, là. Oui, un peu post-apocalyptique, là, un peu c'est ça, là. Dystopique. Alors, ton livre méritait, mais en même temps, c'est un page-turner pour moi. Et okay. C'était un peu ça le but aussi, parce que j'avais commencé en écrivant un essai, bon, sur le Québec, sur l'identité, parce que comme tu dis, j'étais à Vancouver, puis je me disais, de loin, le Québec, je m'ennuyais, mais en même temps, je m'ennuyais pas tant que ça. Justement, il y avait une amour-haine avec ouais. Mon pays d'origine, si on veut. Et là, j'ai commencé à écrire un essai, puis là, après quelques chapitres, je me trouvais un peu ennuyant. Moi, je suis un romancier, fait que là, je me disais, bon, là, les gens qui lisent mes romans puis qui m'aiment d'habitude, est-ce qu'ils vont s'ennuyer, est-ce qu'ils vont s'emmerder quand ils lisent un essai? Fait que là, je me suis dit, ça y est, je rajoute de la fiction dedans, puis comme tu dis, un page-turner, si on veut. C'est merveilleux. Tiens, je te cite toi-même, le personnage Alexandre Soublière, dans ton livre, dit, il répond à Sam... J'essaie d'écrire un livre feeling, puis j'aime ça, les sujets tabous. Aussi, j'essaie d'écrire quelque chose qui explique comment on se sentirait si on se rebrandait. On va revenir là-dessus, là. Oui. Et comment on se sent en tant que Québécois moderne, point final. Le rebranding, Là, t'en veux à la notion de Québécois, de cette... Faudrait apprendre à redevenir, à se dire Canadien-Français. C'est peut-être le cas pour plusieurs ici, mais pour plusieurs... Je sais pas si c'est le cas pour plusieurs. Là, c'est une notion qui n'est pas pognée tant que ça, finalement. Quand le livre est sorti, je me suis rendu compte que les gens tenaient beaucoup à la notion de Québécois. Moi, c'était plus parce que ce que je pose dans la question, puis on parlait de Paul Piché tantôt, ce que je pose comme question dans le livre, c'est est-ce que, justement... un peu les baby boomers, si on veut, les gens qui ont un peu été là, qui étaient un peu à l'origine de la Révolution tranquille, est-ce qu'ils n'ont pas inventé cette identité-là québécoise en voulant faire une rupture avec ce qu'il y avait avant, dans le fond, toute l'idée de la grande noirceur, etc. Oui. Puis au travers de ça, quand ils ont voulu inventer cette notion-là de Québécois pour passer de Canadien-Français à Québécois, est-ce qu'ils n'ont pas laissé derrière certaines notions culturelles, certaines notions historiques qui font que maintenant, 40, 50, 60 ans plus tard, on a comme c'est comme si on s'était coupé du passé un peu au tournant de la Révolution tranquille. Puis je me suis laissé dire, et je l'ai peut-être même appris dans ton livre, que même René Lévesque était contre le fait d'appeler le Parti québécois québécois, justement, parce qu'il trouvait pas ça évident lui-même. Là. Ben, c'était pas évident, puis non seulement ça, c'était pour le nom de son parti politique, dans le fond, c'est que il se disait si jamais le Parti québécois fait quelque chose de mal ou perd ou quoi que ce soit, il voulait pas que ça entache par défaut le mot québécois en étant le même mot qui était le nom du parti. Très bien. Du côté du Québec, on a l'impression des fois que le rock Rest of Canada nous prend pour des tarés, d'une gang de racistes. C'est peut-être une question de perception. Oui, des fois, il y a des éditoriaux dans des grands journaux canadiens, anglais. Et toi, tu dis, finalement, tu critiques le nombrilisme québécois. Je suis assez d'accord avec ça, là. Tu sais, on se prend toujours les Québécois, on est donc bien hot, on est donc bien ici. Puis là, tu dis, au fond, dans le Canada anglais... on s'en fout pas mal, un peu. Ça a été ton expérience? Surtout dans l'Ouest, les gens, honnêtement, parlent pas beaucoup du Québec. Fait que c'est sûr que j'ai remarqué ça. Une des autres choses aussi que je souligne dans le livre, c'est que, tu sais, c'est cette espèce d'idée-là qu'au Québec, on est la terre progressiste, là. Que si on était un pays indépendant, on serait bien plus progressiste que dans le reste du Canada anglais. Puis ça, c'est comme l'argument de faire l'indépendance, dans le fond. C'est un des arguments, mais à Vancouver, tu sais, si on prend juste la question, par exemple, de la légalisation de la marijuana ou des drogues, ça fait très longtemps, ça, que c'est accepté puis que c'est beaucoup plus progressiste dans l'Ouest qu'ici, par exemple. Ah oui, la fameuse côte Ouest. Exact. Puis qui va avec... jusqu'à Vancouver. Exact. Qui part de la Californie, qui passe par Portland, Seattle. C'est un peu la même culture, si on veut. Puis eux, ça fait longtemps que c'est toléré, les magasins qui vendent du pot puis tout ça, alors qu'ici, c'était vu comme une hérésie totale. Là. Oui. Même là, la loi est passé, mais on veut-tu le mettre à 21 ans? Il y a 3 SQDC par province. Là. Ton rapport à l'anglais, évidemment, le vieux Paul Piché en moi, là, je ne sais pas trop. En lisant ton bouquin, j'avais l'impression que, le fait de parler français au Québec, c'est peut-être une erreur historique ou c'est pas si important, qu'on y tient trop, faudrait quasiment laisser libre la fréquentation des écoles francophones, non. C'est pas exactement ça que je dis, je pense, mais pas pour faire peur à personne. Là. Je pense que, en fait, non, le français c'est quand même important, mais ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que c'est un outil. Dans le fond, ça, évidemment, ça fait partie de notre culture, puis c'est quelque chose qui est un peu qui nous rassemble dans le fond. Mais pour moi, c'est un outil. C'est ça que là, je suis. Peut-être un philosophe en moi là, qui titille un peu. Un outil, je prends un crayon ici. Ah, tiens, ça ne marche plus. OK, je le remplace, j'en prends un autre. Ça revient au même. Ouais. Mais la langue qui porte la sensibilité, les idées, la culture, les visions du monde, me semble que c'est plus que ça. C'est sûr que la langue porte une partie de la culture, c'est clair. Mais c'est ça, j'ai lu quelques bouquins qui parlent de ça, puis je me pose la question, est-ce que c'est vrai cette idée-là que la langue porte les idées, ou c'est pas le contraire, c'est pas les idées puis le contexte culturel ou environnemental qui a créé, en fait, que une langue est ce qu'elle est? Au fond... t'envies un peu les Américains et leur fierté nationale. Et ça, je comprends que, comme Québécois, c'est dur de se dire fier. On dirait qu'ils ont moins de difficultés avec ça, les Américains. Mm-hmm. Ils sont fiers. Mm-hmm. Puis ici, et là, j'ai trouvé ça mais très intéressant. Tu parles de Bruce Springsteen quand il chante l'américanité. Là, tu compares ça au coloc. Je sais pas si tu parles des mésaïeux aussi là-dedans. C'est moi qui... Oh, oui. Oui, les mésaïeux, ouais, ouais. Dégénération, c'est donc même fatigant. Mais ouais. T'aimerais ça... T'es nostalgique de ça, d'une certaine manière. Cette ben, je trouve que nationale-là, ouais. Et amoureuse en plus, il y a tout ça. Cette... Oui. Tout à fait. Ben, ouais. Je trouve que, tu vois, Bruce Springsteen, pour moi, c'est comme, c'est ça, c'est de la musique un peu de col bleu, là, de working class, si on veut. Puis je trouvais que, pour moi, les colocs, ça l'était un peu aussi. Tu sais, c'était un peu la musique du peuple, si on veut, puis des gens qui n'ont pas de job, puis des affaires comme ça. Mais je trouve qu'il y a une notion dans Springsteen qui fait en sorte que, au travers de ça, même si c'est dur, même si le gouvernement est contre nous, même si les patrons nous font chier, ben on va travailler pareil, puis ouais. C'est pour la patrie, puis let's go, tu sais, ouais. Le drapeau, puis tout le kit, born ouais. In the USA. Born in... Ça nous manque un peu ici, peut-être. Bon, ouais. Enfin, les colocs, hein, c'est ça s'est terminé en 1990, là, ouais, je ouais. Pense. c'est merveilleux dans ce livre-là. Il y a toutes sortes de considérations, la culture pop, là tu m'as... J'ai été largué un peu, là, la culture hipster, la scène... montréalaise en musique, ouais. Là, la présence prévisible d'un Trump. J'ai aimé aussi, j'ai apprécié ta culture de l'indignation. Mm-hmm. Puis ces minorités-là qui cherchent à défendre leurs identités. Je ne sais pas ce que je m'en vais avec ma question. Là. Non, ça va. Mais, non, je pense que c'est le monde dans lequel on vit là, ces temps-ci. Puis je pense qu'avec les technologies, les réseaux sociaux et tout ça, c'est clair qu'il semble avoir une espèce de polarisation qu'au final, on se demande si ce n'est pas un peu un symptôme de la réussite de l'Occident en quelque part. C'est-à-dire que ça va tellement bien que là, on se dit que ça va vraiment mal parce que, tu sais, faut se trouver des luttes quand même, tu sais. Oui, mais au oui. Final, quand on regarde ça, historiquement parlant, il n'y a pas beaucoup oui. De maladies, il n'y a pas oui. Beaucoup de meurtres, tu sais, comparativement à... Oui, à moins qu'on arrête la vaccination, là. Oui, ben justement, tu sais, c'est ça. Y a tellement... J'ai trouvé ça tellement drôle. Je ne sais pas si cette rencontre-là s'est passée réellement. Carl Bergeron et Gérard Bouchard. Carl Bergeron, un essayiste québécois qui se fait tuer par quelqu'un. Gérard Bouchard qui tue le voleur. Le malfaiteur, oui. Le malfaiteur. Gérard Bouchard, c'est ça, c'est un collègue du Boréal, dans le fond, là. Un collègue, j'ai appelons-le comme ça, tu sais. Mais je trouvais ça très drôle de le mettre en personnage dans le livre. Oui, là, le romancier, là, il avait le goût de donner un petit coup de main à l'essayiste. Et à la fin, là... Je ne sais pas d'où ça vient, ça, mais je trouvais ça très drôle, cette espèce de culture zombie à Montréal. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lu ça, j'ai lu ton bouquin fin décembre. Là. Oui. Y a-t-il eu une guerre? Il n'y a plus aucun appareil électronique qui fonctionne. Ouais. Là. C'est... Là, les gens deviennent fous raides, là, puis là, ça se tire dessus. Oui, oui. Ben c'est ça, ben c'est parce que c'est un peu à la mode là, ces temps-ci, ouais. les genres de récits apocalyptiques comme ça. Puis là, ouais. Je me disais, allons-y dans le cliché, là, où ce que là, on est dans Walking Dead, mais à Montréal. Puis ouais. ça va être drôle, mais en même temps, tu sais, c'était un peu pour parler de l'époque aussi, du fait qu'on nous annonce que les changements climatiques, par exemple, on a 12 ans à régler ça, sinon ouais. C'est sûr qu'on ouais. Meurt tous. Ouais. L'intelligence artificielle, c'est la prochaine chose qui va faire en sorte que personne n'a de job, puis tout le monde va mourir. Fait qu'on, à chaque jour, il y a un peu cette tension-là sur nos épaules qui nous dit qu'on est tout près de l'extinction, puis c'était un peu ça le but. Oui. Alors, je me répète, c'est merveilleux, ça semble aller dans toutes les directions, mais tout ça, ça se tient, c'est très intéressant, et qu'est-ce que je voulais aborder aussi? C'est très touchant, la fin, cette... t'es orphelin, oui, de politique, mais aussi d'amour. Mm-hmm. Y a une sorte de lettre où tu fais la paix avec un amour brisé. Est-ce qu'on aborde ça ou pas? Ça te fait encore on mal? On aborde ce qu'on veut. Non. Ça fait partie de... Ça fait partie, je veux dire, de la vie, mais ça fait partie aussi de un peu la métaphore que j'essayais de créer entre, justement, l'éloignement de la mère patrie versus l'amour imaginaire, là, ou ce pays imaginaire-là qui n'existe pas sur papier, mais qui existe dans le cœur de plusieurs personnes et l'amour perdu, dans le fond. On n'est pas de la même génération, mais on a des points communs. Mm-hmm. On est tous les deux beaucerons. Oui. OK. Je suis Beauce-Rome, vrai Beauce-Rome. D'accord, d'accord. Et toi, tu as étudié à Garneau. Moi, je suis prof au cégep Garneau. OK. Et puis, est-ce qu'on dit ça? À un moment donné, je trouve ça drôle, page 275, il y a un ami qui t'a demandé d'insérer des chiffres. Ouais. Là, tu dis, j'ai fait exprès pour mettre une faute. Je pense que je l'ai trouvé. Ah, peut-être, mais... Ah oui, OK. Bon. Ben, bon. Tu peux me... Pardon, OK. Non, parce que, honnêtement, c'était juste un... Il écrit. J'ai fait une faute. J'ai fait exprès pour faire une faute. Juste pour faire... Pour que, faute de données, là. Pour faire les gens... pour qu'ils puissent douter, là. Pour qu'ils prennent pas tout ça pour du cash. Mais finalement, ça, c'était plus comme une joke, en fait. Techniquement, j'ai pas fait exprès pour mettre une faute dans le livre. Mais si t'en as trouvé une, ça se peut. Puis, de données. Une donnée. Ah, un chiffre. Un chiffre, peut-être. Peut-être. Non, mais... Mais non, mais tout a été vérifié. À moins que... Ben là, j'ai quasiment envie de te provoquer, là, s'il me reste... Il me reste une minute. Alors, quand, par exemple, attendez un petit peu, le 92,5% des Québécois auraient un véhicule... Un véhicule immatriculé, c'est ça? Oui, un véhicule immatriculé. Bien ça, il y a la source en bas de la page. Il faudrait ensemble qu'on ait vérifié si j'ai pas fait une faute de frappe, mais je pense que c'est la vraie statistique. Code Québec, les 7 différences qui font de nous un peuple unique au monde. Ça, c'est Léger et puis toute sa gang là, qui font des statistiques. Puis, je pense que je vais aller jusqu'au bout de ça. Oui, allons-y à fond. Posons les vraies questions. Eh bien, écoute, c'est tout le temps qu'on avait. Alexandre Soublière, la maison mère. Quand je dis amour, haine, au fond, j'ai aimé ton livre. Ouais. Tu voulais provocant. J'en parle autour de moi. Cool. Et puis, merci de ta visite. Ça se fait plaisir. Bon salon. Merci. Tes séances de signature sont terminées dans le salon. Mais je me tiens un peu autour du Boréal. Au kiosque 197. C'est ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Brinck à la sortie culturelle au Salon du Livre. Je suis en compagnie de Jean-Guy Forget. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci. Bonjour. Je vous ai invité pour le livre After chez Amac. Vous racontez les errances amoureuses, amicales, sexuelles de Jean-Guy. C'est résumé très succinct. Ce qui m'a surtout intéressé, c'est la langue que vous utilisez. Parce que vous passez du mélange français-anglais au franglais assez franc à un français d'une qualité vraiment supérieure, avec des accords qui sont tous parfaitement maîtrisés, même à l'intérieur de phrases où il y a aussi du franglais. Qu'est-ce qui vous a inspiré d'en parler? Ah, il y a aussi la langue inclusive qui, à travers ça, c'est quand même un tour de force. Ben merci. J'espérais être capable de faire quelque chose du genre. Et c'est sûr, moi, je me suis dit, en fait, que il fallait laisser une place à ces langues qui existent, ces langues qui ont un potentiel aussi riche que la langue française qu'on connaît, qu'on nous apprend à l'école, mais il y a aussi une autre langue qui est formée des expériences différentes, qui est formée de nos influences, nos références culturelles, qui... viennent s'imbriquer. Puis je pense qu'on a un travail de poéticité qui peut être fait à partir de ça, au même niveau qu'avec le français, qui souvent on va un peu reléguer au parler ou à la musique rap ou à la culture populaire, mais en littérature, c'est rare que les gens vont s'aventurer là. C'est un pari que j'ai voulu prendre. Je suis quelqu'un qui a beaucoup gravité autour du milieu de la poésie, des micros ouverts. C'est une langue qui est très riche, très vivante, qu'on observe concrètement autant dans les rues que dans la poésie, que dans les performances. Et je trouvais que c'est une langue qui a aussi sa place à l'intérieur d'un roman et qu'on peut travailler avec une poésie là, qui lui soit propre et à la fois qui soit soutenue et travaillée, réfléchie. Je pense qu'il y a un travail intellectuel qui peut être fait avec cette langue qu'on relègue toujours plutôt aux classes basses. Est-ce que ça a été difficile? Parce qu'on s'entend, on retrouve beaucoup de naturel dans cette langue-là quand les gens communiquent, mais par ailleurs, on sent que c'est travaillé. Comment on travaille ça? Ben, sérieux, moi, ce roman m'a plus fascinée par sa langue, parce que ce qu'il raconte, mettons que ça s'est vu, mais vraiment, c'est vraiment votre approche qui rend ça complètement fascinant. On peut le lire comme des petites nouvelles qui se suivent, comme de la poésie, comme du slam. Fait, comment on travaille ça quand on est auteur? Est-ce que ça vous a sorti comme ça? Mais moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé justement avec mon expérience de la scène, mon expérience des micros ouverts, des performances qui, je crois, est un berceau pour de la littérature féconde et en ce moment qui est très... c'est un vrai laboratoire en ce moment qui existe, qui est ouvert et à travers lequel moi, j'ai trouvé ma place beaucoup, donc ces chapitres-là sont un peu un reflet de ça. C'est des chapitres courts qui sont faits pour avoir une certaine fluidité. Moi, j'accorde une énorme importance au rythme. Fait qu'autant quand je travaille, c'est un peu ça. On dirait qu'il faut que ça coule, puis là, après ça, j'y reviens, puis là, j'essaie de retravailler ça un peu. Mais je travaille beaucoup comme de la poésie. C'est pour ça que c'est aussi court, c'est pour ça que c'est des chapitres courts qui s'enchaînent plutôt sur une idée de thématique. Moi, j'ai toujours vu ce livre-là comme une sorte d'errance à travers des souvenirs qui sont liés par une certaine cohérence, mais qui, en bout de ligne, c'est l'exploration de plusieurs souvenirs, puis j'ai vraiment travaillé comme ça. J'ai travaillé bout par bout. C'est vraiment très réussi. Il y a un discours en dessous de ça. Oui, c'est des errances, mais il y a comme une démarche que j'ai ressentie de s'affranchir des apparences. C'est très important, les apparences, mais je sens qu'il y a comme une démarche de s'affranchir de ça. Est-ce que ça, c'est arrivé? Je sais qu'en écrivant, il y a des choses, des fois, qui arrivent qu'on n'a pas vu venir, ou c'était, dès le départ, quelque chose que vous voyez, que vous vouliez faire? C'est pas... Je pense que c'est un travail qui est nécessairement lié... Ben moi, je vois un lien avec l'autofiction en soi, ou est-ce que... On dirait que le premier mouvement va être de raconter quelque chose, puis ensuite on se demande pourquoi est-ce qu'on le raconte, puis c'est ce qu'on veut creuser. Fait qu'on s'affranchit des apparences en allant, ce que moi j'appelle souvent, là, puis j'en parle un peu dans le livre, mais plonger au fond de soi. Fait que oui, c'est justement essayer de se dégager du superficiel, même si j'en parle, même si on se dégage de la surface pour aller vers ce qui est plus profond, vers ce qui compte vraiment au fond, comme des choses comme travailler la langue, là, qui pour moi, tu sais, pour moi, la littérature, c'est... Il y a une raison pourquoi on écrit des romans. C'est pour ce travail de la langue, cette proximité-là, avec cette matière de la langue-là qu'on a, qu'on peut travailler. Puis pour moi, ça s'est passé comme ça, cet affranchissement des apparences. C'est qu'on s'affranchit de tout ce qui est l'apparence. Puis pourtant, c'est quelque chose que je valorise beaucoup dans la vie. Oui. Et le personnage aussi, avec, je sais pas, 5000 paires de souliers. c'est quand même, ça touche quasiment... l'absurde, certaines choses. Oui, il y a une certaine frivolité. On dirait que c'est une sorte d'obsession de l'apparence qui finit par s'auto-détruire, parce qu'en bout de ligne, c'est toujours avoir conscience du fait que c'est factice, toujours avoir conscience du fait que c'est superficiel, puis que ça remplit pas le vide intérieur, et que la littérature cherche peut-être pas à le remplir, ce vide-là, mais au moins à l'expliquer puis à le mettre en mots. Ouais. Puis c'est vers ça que j'ai toujours essayé d'aller dans cette écriture-là. Là. C'est de dire, il y a toutes ces choses-là, il y a 5000 paires de chaussures, mais en bout de ligne, il y a un vide, c'est de ça qu'on parle. C'est pas des chaussures. Et bon, c'est de l'autofiction, vous le dites, et c'est vraiment aussi ce qui se fait chez Hamac. Avez-vous l'impression, après, quand on parle de s'affranchir, vous vous êtes affranchi de votre propre histoire et vous pourriez aller après vers une fiction pure et simple, ou c'est moins dans vos tiroirs? Disons que c'est pas tout de suite dans mes tiroirs. Je dis pas qu'un jour ça le sera pas, mais pour l'instant, ma démarche d'écriture est tellement axée vers aller puiser ces choses-là, cette matière riche que je trouve qu'on a dans le quotidien, cette matière riche qu'on a dans le vécu, dans ce qui s'observe, que moi, c'est ce qui m'intéresse d'aller creuser. l'intérêt d'inventer des histoires. Pour moi, j'ai l'impression que ce serait trop calqué encore sur Montréal. Fait que j'ai pas encore épuisé cette démarche-là pour moi, ça c'est certain. OK, vous avez d'autres sujets encore qui dorment et qui doivent être explorés. Les autres personnages que vous avez créés ou reflétés dans ce livre-là, j'imagine que c'est inspiré des gens autour de vous. Comment ils reçoivent ça de se retrouver dans un roman? C'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu avec de l'appréhension au départ. On ne sait jamais ce que les gens vont retenir contre vous. Mais moi, ce que j'insiste toujours, c'est que lorsque quelqu'un écrit, c'est seulement sa perspective qui est mise de l'avant. Donc, c'est sûr que ces personnages-là sont des personnages, même s'ils sont inspirés de personnes réelles, parce qu'ils sont complètement floués par la perspective de l'auteur ou de l'autrice. Et en ce sens, mais pense justement que les gens... pour ça, la réaction pourrait être quand même aussi violente là, de certains qui disent « Mais voyons, tu me vois comme ça, je te parle plus. » Heureusement, c'est pas arrivé. Je pense que si on le fait avec une certaine... si on le fait assez habilement et si on parle des bons sujets sans, en ayant de l'honnêteté, en fait, je pense que les gens, en général, le prennent assez bien. J'imagine que j'ai peut-être pas touché des thématiques qui avaient offensé des gens, mais disons que les gens que personnellement, j'appréhendais le plus leur réaction. Ça s'est bien passé. Oui, parce que moi, je voyais quand même une panoplie de personnages très hauts en couleur. Vous êtes encore au Salon du livre aujourd'hui et demain? Ou... Non, en fait, je suis seulement aujourd'hui là, jusqu'à 20h. Ça fait qu'on peut vous rencontrer chez Hamac Septentrion et vous signez de quelle heure à quelle heure aujourd'hui? Oui, je signe de 13h à 14h et de 18h à 19h au stand de Hamac. Je signe aussi de 15h à 16h au stand de Triptyque pour le collectif Bad Boys dirigé par Maud Veilleux dans lequel j'ai un texte. Et je suis à la Maison des libraires de 19h à 20h pour faire des prescriptions littéraires avec Fanny Demel. Ah, les prescriptions, ça c'est le fun. Un grand merci, Jean-Guy Forget. On va faire une pause publicitaire et on vous revient. Merci. Sortie culturelle. Alimentex, une épicerie certifiée biologique avec des produits de santé naturelle située à Québec, au cœur de Limoilou. Notre boutique offre un vaste choix de produits naturels santé. Formules et suppléments, aliments biologiques, produits de beauté et tisanes. À tous les premiers mercredis du mois, nous vous offrons 10% sur les produits à prix régulier en magasin. Pour les petits bobos, un naturopathe est sur place pour vous conseiller. Pour les problèmes de santé non résolus, avez-vous essayé Alimentex? Situé au cœur de Limoilou sur la 1ère avenue, au coin de la 12e rue. Alimentex.ca. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. L'Aérospatiale est le seul magazine radio entièrement dédié à l'univers des arts visuels à Québec. Jean-Tiens de la France anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. L'Aérospatiale, le mercredi, 17h30. Tu aimerais améliorer ton français écrit? Apprendre à lire? Prendre part à une création théâtrale? Suivre des ateliers d'initiation à Internet, iPad, Facebook, Excel ou Android? Réintégrer le marché du travail si tu es prestataire du programme d'aide sociale? Participer à des ateliers de francisation? Le cœur à lire. Pas de gêne, pas de stress. 418-841-1042. Les Titans du Cégep Limoilou. Nous visons le développement d'étudiants athlètes qui participent activement à la vie sportive du Cégep. Au calendrier cette semaine... Ne manquez pas la série finale de hockey féminin collégial division D1 opposant nos filles du Titan du Cégep de Limoilou à celle des Cougars de Champlain-Lennoxville. Cette série 3-5 débute avec le premier match ce samedi 6 avril à 19h45 à l'Orpidrome de Charlebourg. Le troisième match aura lieu également aussi à l'Orpidrome de Charlebourg le samedi suivant, soit le 13. Les Titans du Cégep Limoilou, une dynastie depuis plus de 35 ans. Record Store Day au Knockout. Le samedi 13 avril, dès 9h et jusqu'à 21h. Rabais, prestations, bouffe, exclusivité du Record Store Day, dont l'album d'Hubert Lenoir et de Tire le Coyote. Au Knockout. Prestations en journée, Juste Robert, The Blaze Voluto Collection et Fuck Tout. Record Store Day au Knockout. Aucune réservation. Présentez-vous tôt au 832 Saint-Joseph-Est. Détails sur la page Facebook du Knockout. Vous aimez les romans historiques, alors que vos amis préfèrent la science-fiction et d'autres ne jurent que par les essais et la littérature québécoise? Venez rencontrer vos auteurs préférés. Sous la présidence d'honneur de Yasmina Kadra, ils sont plus de 1200 et vous invitent au Centre des congrès de Québec. Le Salon international du livre de Québec, du 10 au 14 avril. Sortie culturelle. Les Bouquins d'abord vous présentent Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. Bienvenue encore une fois pour la dernière demi-heure à l'émission Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. Je suis accompagnée de Fanny Demeul pour parler de rouclair naturel. Bonjour Fanny. Allô. Donc, rouclair naturel, c'est une couleur de teinture, entre exact. Autres, hein, qu'on peut trouver en boîte dans toute bonne pharmacie. Et c'est aussi un trailer, je dirais ça comme ça, un espèce de suspense sur une couleur de cheveux. Le personnage principal, qui n'est jamais nommé, se teint les cheveux. Elle a fait semblant que c'est sa vraie couleur. Elle rencontre un homme qui fait « Ah, wow, tes cheveux, c'est donc bien beau, est-ce que c'est naturel? » Oui, oui, c'est naturel. Et elle s'empête dans un mensonge pas possible, un parmi d'autres, évidemment. Sérieusement, bravo. Non, mais faire un livre sur une couleur de cheveux, là, quand même, il faut le faire. Là. C'est un beau défi, je l'avoue. Et je savais que ça allait être un défi au moment de le commencer. Okay. L'écriture a commencé peu après la publication d'Éterrer les eaux. Donc, c'est un projet que j'avais déjà en tête même pendant... Oui, puis il y a des recoupements entre les deux, hein, quand exact, même. On sent vraiment les influences. Oui. Moi, j'ai lu Rouclair naturel avant de lire d'Éterrer les eaux. Ah, intéressant. Oui, ouais, quand même. Hein. Ça se lit bien quand même. Ça se lit bien quand même, tout à fait, parce qu'en fait, c'est pas la suite de... On sent les inspirations, on sent la même écriture, la même écrivaine. C'est pas une copie de l'autre, c'est pas ça, mais on sent vraiment les inspirations. Des fois, quand on voit des livres comme ça, on se demande est-ce que c'est fictionnel, est-ce que c'est vrai, puis tout ça. Je vais pas rentrer dans ton intimité nécessairement, mais comment tu... Est-ce que tu es tannée de te faire poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ces affaires-là? Pas vraiment, en fait. Je trouve que c'est... Tu sais, quand on lit un livre, on est un peu... On s'engage dans une forme de socialisation avec un personnage. Et là, quand y a un effet de réel qui est suscité, je pense qu'on peut légitimement se demander, mais ben, cette personne-là, tu sais, comme pour Déterrer les autres, qui traitait de troubles du comportement alimentaire, je comprends que les gens s'inquiétaient quand même pour la personne qui l'a écrit. Donc, je pense que c'est ça, ça fait partie de la forme de socialisation dans laquelle on s'engage. Donc, non, j'aime bien répondre à ces questions-là. Okay. Aussi. C'est sûr que de départager ce qui est vrai du faux, je trouve que c'est pas ce qui est de plus intéressant. Je suis d'accord avec toi. Du côté du processus d'écriture, j'aime ça expliquer comment je travaille à partir de mon vécu puis comment j'arrive à le transformer. Est-ce que c'est ta couleur de cheveux ou couleur naturelle? Non, en fait, c'est celle avec laquelle j'aurais aimé naître. Donc, je suis pas très loin de ma protagoniste. J'ai toujours, je me suis toujours beaucoup associée à cette couleur de cheveux-là. Quand j'ai commencé à me la faire à 15 ans, je me suis comme retrouvée dedans. Okay. On dirait que je chantais que j'étais sur mon diapason, puis je l'ai jamais lâché depuis. Et moi, je me suis questionnée sur pourquoi j'ai un tel attachement à cette couleur de cheveux-là. Et c'était un peu comme le point de départ pour Rouclair naturel, question de l'identité qui passe à travers l'apparence, mais qui, au final, n'a rien de superficiel. Ça devient quelque chose de vraiment fondateur de ta confiance en toi, dans soi, puis ton identité. On s'attache vraiment beaucoup à l'héroïne. On a envie de l'aider à camoufler ça, parce que pour elle, elle s'en... T'sais, je l'ai dit tantôt, elle ment à un homme. Finalement, l'homme, il est vraiment amoureux de sa couleur de cheveux. Mm-hmm. C'est triste parce que le reste de sa personne n'a pas l'air à l'intéresser tant que ça. C'est beaucoup ses cheveux. Et elle, dans le fond, il faut qu'elle maintienne son mensonge, évidemment, parce qu'en plus, lors de leur première date, il lui dit que lui, qu'est-ce qui ne tolère vraiment pas, c'est le mensonge, et qu'elle n'a aucune chance de s'en sortir. Ça a dit « Ah, oh, je t'ai menti la première fois, ça ne marche pas ». Donc, c'est ça, ça dure vraiment longtemps. On a envie de l'aider à se faire des teintures aux semaines pour pas qu'elle ait une repousse. Oui. Elle se rase partout, elle fait plein de choses, tu sais, pour camoufler. Tous les coups sont bons. Oui, c'est ça, elle essaie de faire en sorte que les conversations aussi entre ses proches que son, dans son chum n'entende pas nécessairement des commentaires par rapport à sa couleur de cheveux, les photos de bébé, puis tout ça. C'est qu'on a vraiment envie de l'aider. Oui, on a envie, de péter l'abcès un peu à sa place. Ouais, c'est ça parce qu'elle n'est pas capable de s'en dépêtrer. Et ça dure des années. Ah oui, c'est ça qui est effrayant. Puis je suis tout à fait d'accord tantôt quand tu parlais de trailer. C'est qu'on se demande vraiment, mais comment ça va finir, oui, cette histoire-là? Oui. Elle se prend dans une espèce de souricière. Puis on se demande vraiment s'il va y avoir une issue à tout ça et quelle sera cette issue. Oui, vraiment. Donc, ça vient en non, vraiment, c'est impressionnant. Puis, on ne racontera pas la fin. Je déteste donner les punchs. Lisez-le, si vous voulez savoir. Mais je trouve que la fin est bonne. Dans le sens que, tu sais, des fois, les fins auraient pu être décevantes. Et la fin est vraiment... c'est parfait, là. C'est que, ouais, c'est vraiment un livre à lire. Ça se lit d'un coup. On ne veut pas le lâcher, quand même. Mais c'est quelque chose. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture en cours? Oui, j'en ai quelques-uns en ce moment. Je suis en train d'écrire un livre pour la nouvelle collection de Marie Demers aux éditions Tête Première. Et ça s'intéresse à un phénomène assez contemporain, des mukbangs. Donc, c'est des gens qui s'enregistrent en train de manger de très grandes quantités de nourriture et qui mettent ça en ligne, et ça a une popularité fulgurante en ce moment sur YouTube. Et moi, j'aime ça un peu, l'étrangeté, hein. C'est un peu ce qui recoupe mes projets, l'obsession, l'étrangeté, c'est vraiment des choses qui... je trouve qu'il y a beaucoup de choses à déplier. C'est comme un peu les sujets un peu inquiétants, étranges. Donc, je m'amuse beaucoup là-dedans. Et sinon aussi, je travaille sur une direction littéraire d'un recueil collectif de nouvelles qui s'intitule Stalkers, qui va paraître à l'automne prochain aux éditions Québec-Amérique. Oh wow, c'est des beaux projets quand même. On va pouvoir te relire bientôt, parce qu'il y avait quand même eu 2 ans d'écart peut-être entre tes deux livres. Oui, c'est ça. 2016-2019. Ça a été assez laborieux, l'écriture de Rouclair naturel, étant donné que la temporalité est éclatée, que le sujet aussi était un petit peu plus difficile à traiter, étant donné que c'est une problématique qui est moins abordée que celle de l'anorexie. Donc, c'était vraiment c'était un bon défi, comme on a parlé tout à l'heure. Super, ben merci beaucoup, Fanny Demeul. Donc, on peut trouver Rouclair naturel et Déterrer les eaux aussi au stand d'AMAC 197. Tu es en séance de signature aujourd'hui de 15h à 16h. C'est bien ça. Et demain de midi à 13h30. Et on peut les lire dans un sens ou dans l'autre. Ça se fait très bien des deux façons, sans problème. Mais merci beaucoup, Fanny. Merci à toi. Nous sommes encore à Sortie culturelle en direct du Salon international du livre de Québec. Et je cède le micro de ce pas à Chloé Zollmann, qui va s'entretenir avec Martine Delvaux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Martine. Bonjour Chloé. Alors, on te reçoit aujourd'hui pour parler principalement de Thelma Louise et moi. Oui. Qui est ton dernier ouvrage. Je ne sais pas si c'est un roman. On dit un roman, mais bon. C'est un roman hybride, comme a dit Chantal Guy. Oui, ben c'est pas mal hybride en effet. Donc c'est paru en 2018 chez Héliotrope. Ouais. Et dans ce récit, en fait, le film Thelma et Louise s'entrecroise avec des pans de ta vie, des étapes de ta vie, qui l'un se fait miroir à l'autre. Est-ce que tu peux nous dire de quoi Thelma et Louise se font le miroir pour toi? Mon Dieu, je pense qu'elles sont le miroir de plein de trucs. Elles sont le miroir de la survivance des femmes quand elles ont vécu des expériences de violence sexuelle. Elles sont le miroir de l'amitié entre femmes, une amitié sans compromis, inconditionnelle, qui est prête à aller jusqu'au bout du monde. Elles sont aussi le miroir de la libération féministe. En fait, ce sont des femmes qui se dépouillent des oripeaux de la féminité, on pourrait dire, qui se défendent du costume de la féminité, qui quittent une vie de femme qui est assez étroite pour les grands espaces, la route, la voiture décapotable, enfin tout ça. Donc elles sont sans doute le miroir de plein de fantasmes qui m'ont habité et puis d'expériences que j'ai vécues. OK. Et donc, au quotidien, finalement, quels sont les outils que Thelma et Louise utilisent qui t'inspirent? Comment est-ce que ça t'habite au quotidien? Au quotidien, wow! Ben, peut-être que, mon Dieu, c'est une bonne question. Ce qui transparaît peut-être aujourd'hui, c'est dans ce rapport, je dirais par exemple le rapport aux vêtements, ce qu'elles ont comme rapport aux vêtements. Comment elles arrivent à réinventer les vêtements qu'elles portent, comment elles prennent les vêtements des autres, donc les chapeaux des hommes, par exemple, et elles se les approprient, comment elles se débarrassent du maquillage, en tout cas, laissent leur peau se couvrir du sable, du désert. Donc, il y a une manière de... Il y a un costume qu'elles choisissent. Et c'est vrai que dans mon rapport un peu banal, d'ailleurs, hein, quotidien, aux vêtements, au maquillage, tout ça, j'aime bien l'idée d'en faire un costume, de penser que c'est pas tant un corset de la féminité, mais bien quelque chose qu'on choisit et qu'on peut habiter, investir comme on le veut. Donc, c'est un exemple un peu ordinaire, là, un peu banal, mais... Mais ça me fait... En lisant le livre, j'ai lu, par hasard, en parallèle, Un lieu à soi, de Virginie Woolf. Oui. Et je trouvais qu'il y avait vraiment plein d'échos entre les deux récits. Tout à fait. Et je me demandais, tu sais, comment est-ce que tu as l'impression que les choses ont changé pour les femmes qui ne rentrent pas dans ce carcan, dans ce corset? Est-ce que ça a vraiment changé depuis l'époque où Virginia Woolf écrivait? Pour les femmes qui sont créatrices, qui ont trouvé un espace. Mais je pense que les choses changent tout le temps. Je suis pas très pessimiste par rapport à... Dans ma lecture de l'histoire, si on veut, je dirais pas les choses n'ont pas changé. Elles ont changé. Moi, je suis ici, je peux donner une entrevue, j'ai publié des livres, je mène une vie autonome, j'ai un salaire, je suis prof. Donc, les choses changent, mais est-ce qu'elles changent profondément? Je pense que ce qui ne change pas et que Virginia Woolf décrit elle-même et que Thelma Louise condamne ou dénonce elle aussi, c'est qu'il y a une violence permanente qui est faite aux femmes. Et ça, c'est... ce que Virginia Woolf disait, c'est non seulement qu'il faut un lieu à soi, il faut de l'argent pour pouvoir être autonome et arriver à écrire, mais c'est aussi par ce biais-là qu'on arrive à être en possession de nos moyens et capable de se défendre contre la violence qui nous est faite. Donc, je pense que ça, c'est encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est, en tant que femme, susceptible d'être victime de violence. Et moins on a d'argent, moins on est privilégié, pire c'est. Plus on est des victimes potentielles. Mm-hmm. Je me demandais aussi, tu sais, on sent dans le livre, dans le récit, tu parles régulièrement des émotions que le film te génère, que même l'écriture du récit te génère. Ça fait quoi de terminer un récit comme ça? Comment on vit après? C'est drôle, c'est une bonne question, parce qu'en général, quand je finis un livre, il y en a un autre qui est déjà en chantier, et j'ai pas tellement de deuil. Je vis assez bien, je crois, en tout cas, la fin d'un livre. Mais pour le Thelma et Louise, là, ça a été particulièrement difficile, mais difficile au sens où j'avais pas envie de les abandonner. J'avais envie de continuer à écrire ce livre qui avait à voir avec elle. Donc, comme on ne veut pas abandonner des amis qui nous sont proches, j'avais pas envie de les quitter. Et je l'écris à la fin de mon livre. Je dis, mais comment je vais faire maintenant? Comment je vais continuer à vivre si j'ai pas comme objectif d'écrire tous les jours sur ces deux femmes-là? Donc, ça a été difficile. Ça a été difficile. Oui. Et est-ce que tu as trouvé des moyens, finalement, de vivre pas sans elle, mais t'sais, avec... une nouvelle facette d'elle-même, puisque tu avais passé tellement de temps, finalement, en leur compagnie. Mon Dieu, je ne sais pas si j'ai trouvé, mais j'ai commencé un autre projet d'écriture, mais bon, un projet très différent. Là, je suis en train d'écrire sur la figure du Boys Club, donc je me suis vraiment éloignée du projet qui était celui de Thelma et Louise, mais j'ai aussi un autre projet en parallèle qui est, bon, un peu plus informe, mais qui va dans le même sens, c'est-à-dire je m'intéresse à des vies de femmes, et il y a des œuvres d'art de femmes qui sont mises en avant par des femmes. Donc, je continue à être fidèle, si on veut, au projet qui était sous Thelma et Louise. OK. Tu dis quelque part dans le livre que parfois, tu préfères l'expérience du cinéma par rapport à celle de la littérature. J'imagine qu'on a dû poser la question. On me pose tout le temps la question, oui. C'est comme si c'était une hérésie. Non, mais en fait... Non, mais un peu quand même. Mais je peux imaginer... Moi, je fais plutôt de la musique dans la vie. Et tu sais, quand j'utilise mon médium, finalement, pour créer, je trouve que c'est plus difficile que d'utiliser un autre médium. En fait, il y a comme, et ouais. Peut-être, est-ce que c'est lié au fait que tu es prof de littérature et tout ça? Mais sûrement que ça joue. En fait, je disais, en blaguant, c'est une hérésie, mais c'est vrai quand on est prof de littérature puis qu'on est écrivaine dans un salon du livre, dire, ben en fait, peut-être que je préfère le cinéma. Mm-hmm. C'est pas vraiment la chose à dire. Mais c'est pas tant que je préfère le cinéma à la littérature, mais que il y a peut-être un rapport plus direct. J'ai un rapport plus direct au cinéma qui est moins entaché. Il y a moins de couches de sens et il y a moins de parasitage de mon imaginaire parce que quand on est prof de littérature, moi j'enseigne la littérature des femmes. Écrire quand on lit les œuvres magistrales d'autres femmes, c'est assez difficile. Oui. Et ça nous rend, enfin moi ça me rend très, très prudente, trop prudente peut-être dans l'écriture et en me disant mais bon, j'y arriverai jamais, je peux pas y arriver. Elles ont déjà tout fait, elles ont tout dit, je peux pas me coller à ça. Alors qu'au cinéma, j'ai pas ce rapport-là, j'ai pas le rapport d'une experte. On me l'a reproché d'ailleurs, c'est quand j'ose parler de films, quand j'ose les critiquer, on me dit oui, mais t'es pas une critique de cinéma. Mais non, justement, je suis pas une critique de cinéma. Mmh. Donc j'ai un rapport amoureux au cinéma. Et mon rapport à la littérature est peut-être moins amoureux maintenant parce qu'il y a toutes ces années de travail de prof de littérature. Mmh, super. Ben, on est déjà rendu à la fin de l'entretien. Wow. Mais c'était vraiment court. Mais, oui. Mais j'en profite pour te demander, est-ce que tu as des séances de dédicaces qui sont prévues encore durant ce salon? Oui, j'en ai. Là, en ce moment, je suis en dédicace au 270 avec Héliotrope, mais je le suis aussi avec les Princes de l'Université de Montréal, avec XYZ pour le collectif Dans le Ventre. Donc, il y a différents lieux. Oui. Fait qu'on te cherche dans le salon. On et tu es trouver. Là aujourd'hui. Oui, super. Mais je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci. Segment de l'émission Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. Et on termine ça avec quelques suggestions d'activités. Je vous en donne vraiment quelques-unes, comme à toutes les fois, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Si vous voulez plus d'informations, de toute façon, c'est le silq.ca. Donc, dans les activités qu'on peut faire aujourd'hui, il y a une table ronde à 15h à la scène des rendez-vous littéraires qui s'appelle « Ce que les livres ont changé dans votre vie ». Avec Yasmina Kadra, Simon Boulris, Marie Laberge et Suzanne Jacob. Moi, je trouve toujours ça intéressant de savoir quels livres ont influencé les auteurs. Donc, je devrais être là tantôt, peut-être un peu. Sinon, à 15h30, il y a une activité jeunesse qui est vraiment intéressante avec les neurones atomiques. Ça s'intitule « Le poids de l'air et autres faits ». C'est à l'espace jeunesse à 15h aussi. À 15h30, je vais faire des prescriptions littéraires. Et oui, moi, je serai aux prescriptions littéraires à la Maison des libraires, qui est 365. Donc, je vais vous recommander des livres, une quinzaine de livres environ. Je fais des petites prescriptions, comme chez le médecin, mais pas mal plus fort. Donc, vous pouvez venir me voir, puis sinon, c'est une activité qui se déroule en continu. Autrement, qu'est-ce que j'ai regardé? Ah oui, à 19h30, il y a une activité à la scène des rendez-vous littéraires qui s'appelle « Quand la littérature québécoise s'enseigne dans le monde ». Parce que oui, notre littérature, elle peut s'enseigner dans le monde. Donc, il va y avoir Jean-Philippe Barry-Guerrard, Christian-Guy Poliquin, Simon Roy et Olivier J. Choplin. Choplin, je ne sais pas comment qu'elle prononce, mais bref, tous ces beaux gens-là seront là à 19h30. Sinon, dernière soirée aussi pour Québec la Meuse, des activités en fait de musique et poésie ou littérature. C'est un programme double ce soir. Donc, à 20h, c'est au Musée de l'Amérique francophone. C'est gratuit et c'est en fait vraiment une formule un peu différente. C'est pas du jazz, je pense que c'est de la musique classique cette fois-ci. Et après ça, à 21h30, à Maison de la littérature, comme les autres soirs pour jazz et poésie. Donc, manquez pas ça. Dans les deux cas, c'est gratuit. Et dans les deux cas, il devrait avoir un service de bar. Sinon, je vous donne rapidement des activités pour demain matin. D'ailleurs, il y en a une demain à 11h30 qui s'appelle Table ronde Mission médecin, avec trois médecins qui s'appellent tous les trois Jean. Donc, Jean Robert, Jean Lemieux et Jean Désy. Jean Désy que j'ai reçu... c'est vrai, pareil. Jean Désy que j'ai reçu hier ça en entretien. Ça s'invente pas, ça? Non, ça s'invente pas. C'est que les trois Jean médecins. Donc... En tout cas, l'animatrice, Gisèle Galicha, va falloir qu'elle dise les noms au complet pour s'adresser à eux. C'est que c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça devrait être intéressant. Sinon, ben c'est ça, il y a plein d'autres activités. Vraiment, consultez la programmation. Là, c'est riche, riche, riche. Il en reste plus pour longtemps. Profitez-en. Ce soir, c'est ouvert jusqu'à 21h. Et ça circule bien aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, mais oui. Ça circule quand même assez bien. Je suis rentrée vite tantôt. C'est vraiment agréable. Oui, oui, ça va très bien. C'est surprenant parce que moi, je me souviens de samedi où j'avais la misère à circuler. Puis honnêtement, c'est un samedi, là. Je veux dire, il y a des gens. C'est plein de beaucoup. Monde. Mais je pense qu'on peut quand même respirer. Donc, oser. Oui, absolument. Oui, puis toi, tes activités pour la journée, as-tu des choses que tu vas aller moi, faire? Moi, je vais enfin me promener, me laisser porter par la foule pour découvrir. J'avais fait un tour très, très vite mercredi avant. Et bon, je suis toujours retournée travailler après l'émission. Et là, c'est vraiment ma première journée de vrai salon. Mm-hmm. Fait que je vais faire comme tout le monde. Je vais me laisser porter. Je vais espérer des petites découvertes. Oui. Parce que même nous, on en fait hein, des découvertes. C'est qu'on ne connaît pas tout. Hein, même si on lit beaucoup de livres, qu'on en reçoit beaucoup, mais qu'on se tient au courant. Plus j'en connais en littérature, moins j'ai l'impression d'en connaître dans un sens parce qu'il y a tellement de choses que je n'ai pas lues. Puis en effet, on fait plein de découvertes tout le temps. Donc, c'est vraiment intéressant d'en profiter. Puis en effet, ça circule vraiment bien aujourd'hui. Chapeau au Salon du Livre. Puis on l'avait dit en début, dans le fond, c'est mercredi, on en a parlé, à quel point c'est plus aéré. Oui. Je pense que ça paraît vraiment. Aujourd'hui, on peut le voir, la différence. Là. Donc, oui. Non, ça fait que moi, ça va être ça, mon après-midi. Là. Je vais me promener ici au salon. Je vais aller rencontrer peut-être les gens qu'on n'a pas pu inviter. Parce qu'à mine de rien, même si on fait une heure et demie par jour, on ne peut pas recevoir tous les auteurs qu'on voudrait bien rencontrer. Non, vraiment pas. C'est un petit échantillon. Puis c'est des courtes entrevues aussi hein, qu'on a fait. Toutes des petites 8 minutes, ça passe tellement speed vite. Speed dating, mais... Pour vous donner envie, finalement, d'aller les rencontrer, ces auteurs-là, vraiment juste pour vous initier, vous donner envie d'en savoir plus. Ben oui. Est-ce qu'on donne déjà nos rencontres pour demain? Parce ben que, oui, ça serait une bonne idée, en dernière journée demain déjà. Oui, et demain, vu qu'on ne vous donnera plus de choses à faire après, on a pu caser quand même une entrevue de plus, hein? quand on abuse... demain, c'est toi qui vas commencer en Lyon? Ben oui, quand même, j'ai trois entrevues de suite demain. Donc, j'ai Stéphane Savard en premier, avec qui je vais parler d'un livre qui s'appelle Denis Vaujoie Entretien. Stéphane Savard a pris 21 heures de temps avec Denis Vaujoie. 21 heures de temps, où est-ce qu'ils ont fait des entretiens ensemble? Il y a eu les verbatims, ça. Il en a fait du texte. C'est vraiment super intéressant. Denis Vaujoie, c'est un homme qui a vraiment participé au Québec, là, vraiment à tous les niveaux. Donc, un petit 8 minutes demain avec Stéphane Savard qui va passer vite. Après ça, je vais m'entretenir avec Anne-Marie Saint-Cerny pour Mégantic. Dans le fond, elle a fait un essai sur Mégantic qui est finaliste pour le prix des libraires de cette année d'ailleurs. Donc, je vais discuter avec elle pendant un petit 8 minutes aussi. Après ça, Sabrina Philippe et Que nos âmes reviennent. C'est une auteure française qui va être ici, qui est ici pour le salon, en fait. Puis, je vais m'entretenir avec elle demain. Bon, c'est ça. Après ça, toi? Moi, je vais rencontrer Laurence Leduc Primo pour Zoologie. C'est un recueil de micro-récits, mais qu'il faut absolument lire comme de la poésie. Oui. Moi, j'avais fait une tentative de lecture et j'ai pas réussi de rentrer dedans. Et c'est quand j'ai entendu Vanessa Bell à l'émission d'en parler et à lire des extraits, surtout que là, j'ai fait « Ah! » C'est comme ça qu'il faut le lire. Ouais. Et moi aussi, j'ai adoré Moi, c'est quand j'ai entendu Laurence Leduc Primo le lire, parce que je l'avais lu. Puis quand elle m'a lu des extraits, je l'ai croisé au Salon du livre de Rimouski, si je ne me trompe pas. Et quand elle m'a lu des extraits, je lui ai dit « OK, là, maintenant, je comprends comment le lire. » Je suis vraiment contente que tu me l'aies lu, parce que quand je l'avais lu, c'est ça, c'était beau, hein, c'était beau mais je n'étais pas touchée. Oui. Ça arrive des fois. Donc oui, la voix de la poète, c'est important. Après ça, je vais m'entretenir avec Marie-Claude Martel pour « Comment se débarrasser du marié ». C'est une auteure de Québec avec qui je m'entretiens. Donc, c'est toujours chouette de, dans le fond, de parler de gens locaux. Moi, je vais rencontrer Elsa Pépin, directrice littéraire du collectif Dans le ventre, qui va parler d'accouchement. Je viens de finir le livre ce matin. Très franchement, je suis étonnée que ça n'existait pas déjà avant. Parce que toutes les femmes qui ont des enfants, on se raconte très facilement nos accouchements. Mais non, en tout cas, ici, au Québec, un recueil comme ça... Je suis étonnée moi aussi. Oui, c'est ça. Hein? J'étais là comme... J'ai fait vite une recherche, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé. Moi, j'avoue que je ne suis pas public site pour ça, donc ça m'est... j'ai pas fait de recherche, mais OK, c'est intriguant quand même. Oui, c'est ça. Hein? Après, on va recevoir Daniel Grenier, deuxième entrevue du traducteur. Lui a traduit Wallace Thurman, Les enfants du printemps, qui est un roman de 1932. Et ça se lit comme si c'était écrit hier. Très actuel. Très actuel, vraiment formidable. Et Nicolas Giguère pour Quelqu'un. Ça aussi, je suis très intriguée. Il avait livré avant un livre qui s'appelait « Que » et qui se lisait aussi comme la poésie. Là, on rentre vraiment plus dans un récit, dans un roman d'autofiction. Fait que c'est vraiment formidable. Ça va bien remplir et finir notre salon demain. Oui, salon qui passe quand même vite. Hein? On est déjà rendu le samedi. Oui, absolument. Aujourd'hui, on remercie André-Jacques pour Les femmes aux yeux cernés, Daniel Goyette pour Sa main sur ma nuque, François Lévesque pour Neige rouge, Alexandre Soublière pour La maison mère, Jean-Guy Forget pour After, Fanny Desmeules pour Rouclair naturel, mais aussi Déterrer les eaux, oui. Vous en avez parlé vite. Mm-hmm. Martine Delvaux pour Thelma Louise et moi. Merci à René Bolduc et Chloé Zollman d'être venus mener des entrevues. Oui. Merci à toi, Julie. Ben, merci à toi, Barbelle. Merci à Simon Roy et à Mélanie Fleurant, la mise en onde à la station. Restez à l'écoute pour une autre sortie culturelle, celle-là au Festival de BD. C'est animé par Raymond Poirier, fait que il y aura un peu de musique, une petite pause publicitaire et nous, on se retrouve demain à midi pour une dernière sortie culturelle au Salon du Livre. Et venez passer, c'est ouvert jusqu'à 9h, ça vaut vraiment la peine. Les bouquins à bord vous ont présenté Sorties culturelles au Salon international du Livre de Québec. De la BD sur scène, du 6 au 14 avril prochain, le Festival Québec BD vous invite à découvrir plusieurs spectacles alliant le 9e art à la poésie, au théâtre, à la musique et au burlesque. Curieux? Découvrez toute la programmation au québecbd.com.